Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Femme, n'aie pas peur parce que tu viens d'être opérée des fibromes et ton médecin t'a dit tu risques de ne plus accoucher, tu risques de ne plus concevoir. Écoute-moi bien, ça c'est les paroles des médecins. Mais celui qui est le médecin des médecins, Jésus, celui qui opère des miracles, te dit tu vas accoucher parce que la stérile enfantera cette fois. Les fibromes n'empêchera pas Dieu d'opérer le miracle. Tu vas jouir du miracle de l'enfantement et tu te réjouiras. Confie-toi au Seigneur, réveille-toi là où tu es. Commence à louer Dieu parce qu'il a déjà agi. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Romains chapitre 2, 17 à 24. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Notre passage d'aujourd'hui, c'est Romains 2, 17 à 24. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets les sacrilèges. Toi qui t'es fait une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Amen. Il y a trois vérités qui se dégagent de ce passage. Et je voudrais partager avec vous ces vérités. La première vérité concerne les caractéristiques du juif. Les juifs ici représentent pour nous les religieux, les gens qui pratiquent la religion, les gens qui ont l'habitude de dire « moi je suis 100% catholique, baptisé, confirmé », les gens qui ont l'habitude de dire « moi je suis protestant, je suis né Assemblée de Dieu, je suis né Séma, je suis né Réveil, je suis de l'église presbytérienne, je suis l'église anglicane ». Vous voyez, ils ont l'apparence des gens qui connaissent le Seigneur, mais ils sont des religieux parce qu'ils n'ont pas réellement connu la nouvelle naissance. Vous voyez, c'est ça ici. Ici, la caractéristique des juifs, des religieux. Il y a cette caractéristique ici. Il dit, un, il se repose sur la loi. Il dit, toi qui te donnes le nom des juifs, qui te repose sur la loi. C'est-à-dire, ce sont des gens qui disent, nous connaissons la parole de Dieu. Ils ont suivi tous les enseignements à partir de l'école de dimanche. Ils suivent des leçons d'affermissement. Il y a même des versets qu'ils ont mémorisés depuis l'enfance. Deuxième caractéristique, ils se glorifient de Dieu. C'est-à-dire, ils disent comme les juifs, c'est nous qui connaissons Dieu. Nous sommes le peuple élu de Dieu. Ma mère est diaconesse. Mon grand frère, il est parti au petit séminaire. Oui, non, le premier abbé même de notre village, c'est mon grand frère. Vous voyez, ce sont des gens qui se glorifient de Dieu. Ils pensent que connaître Dieu, c'est être né d'une famille chrétienne. Troisièmement, il connaît la volonté. Il dit, tu connais sa volonté. Cela veut dire que par la parole de Dieu, les enseignements, ils connaissent sa volonté. Ils savent que ça, c'est mauvais. Ils savent que voler, c'est mauvais. Il y a même des gens qui ont mémorisé les 10 commandements. Ils connaissent la volonté de Dieu. Quatrièmement, ils apprécient la différence des choses. Parce que, étant quelqu'un qui est en contact avec la religion, avec la parole de Dieu, ils savent faire la différence que ça, ça, c'est quelque chose que Dieu aime. Ça, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Il connaît ce qu'on demande aux chrétiens. Il connaît la différence entre les chrétiens et les païens. Donc, ça se limite au niveau de la connaissance. Il connaît. Il apprécie la différence des choses. Il dit, il est instruit par la loi. C'est-à-dire que, Il connaît l'enseignement. Il y a même des gens qui ont fait les petits séminaires. D'autres ont fait les grands séminaires. D'autres ont fait même l'école biblique, l'école théologique. Ils ont emmagasiné toutes ces choses-là. Ils sont instruits dans la loi. Comme au temps, les juifs, les pharisiens étaient des docteurs de la loi. Ils connaissaient la loi. Sixième chose, ils se flattent d'être des conducteurs des aveugles et la lumière de ceux qui vivent dans les ténèbres. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui dit, moi, je vais éclairer les autres. Moi, je connais la parole de Dieu. C'est lui qui va conduire les autres. Il va même être conseiller des autres. Il va être conseiller des gens qui se marient. Il dit, moi, je connais, moi, je suis diacre, je suis ancien de l'église. Je vais vous aider. Je vais vous montrer la voie à suivre. Donc, c'est lui, il veut conduire les autres. Mais la Bible nous dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Ils aiment avoir des responsabilités. Responsable du conseil paroissial, responsable du diacre, responsable des mamans, responsable de la jeunesse, vous voyez. C'est-à-dire, il se dit que c'est nous qui devons conduire les autres. Parce que moi, je suis né dans l'église. Et septième élément, il est le docteur des insensés. C'est-à-dire que ce sont des gens qui aiment enseigner. C'est-à-dire, il se dit tellement qu'ils connaissent, ils enseignent. Les catéchuménats, ils enseignent. Ils sont dans l'équipe des prédicateurs. Des équipes d'enseignants, des équipes d'encadreurs. Il y a même certains à qui on donne la parole même sur la chaire le dimanche. Vous voyez, ils sont des docteurs, des autres qu'ils considèrent comme insensés. Mais nous allons voir que tout ça là, ça reste au niveau de la pensée. Au niveau du comportement, ce sont des personnes qui réellement ne sont pas transformées. Ils n'ont pas connu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous allons voir donc le deuxième point. Le point négatif c'est quoi? C'est tout, on dit? Ils ne font pas ce qu'ils disent. C'est-à-dire, ils se disent, moi je suis diacre, je suis pasteur, je suis diaconesse, moi je suis moniteur, monitrice de l'école de dimanche, moi je suis responsable de ceci ou cela. Ils parlent de la parole de Dieu, ils enseignent, ils disent qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas faire ceci ou cela. Mais eux-mêmes font ce qu'ils interdisent aux autres. Vous voyez? Et ça, tous ces gens sont des religieux. Je veux parler à un homme de Dieu. Écoute-moi bien. Comment peux-tu encadrer les couples mariés? Comment peux-tu donner les enseignements aux couples mariés? Alors que toi-même, là, ta femme, on ne la voit pas. Tu ne l'associes même pas dans ce que tu fais dans le ministère. C'est une autre sœur qui est là. On dit, c'est la sœur du protocole. On ne sait pas. On commence à la confondre avec ta femme. Soyons quand même sérieux. Si tu veux vraiment avoir un ministère d'enseignement, d'encadrement de couple, il faudrait que toi-même tu sois modèle pour que les autres voient en toi ce modèle-là. Tu prêches la fidélité dans le mariage, alors que toi-même tu es en instant de divorce avec ton mari, avec ta femme. Quel est l'exemple que tu peux donner? Toi qui enseignes le pardon, tu dis il faut pardonner aux autres. Mais toi-même, tu as ton grand frère, ta petite soeur avec qui tu ne te parles pas. Ça fait plus de 6 mois, vous ne vous parlez pas. Et pourtant, tu enseignes au niveau des mamans, tu enseignes au niveau des papas. Vous voyez, ce n'est pas normal. Il est dit ici, au verset 20, « Les docteurs des insensés, les maîtres des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets le sacrilège. Tu dis, il ne faut pas faire pratiquer l'idolâtrie. Mais toi-même, là, en cachette, tu portes des pentacles. Tu as des poussières bizarres que tu utilises. Tu dis que c'est ça l'onction. Vous voyez, faisons donc attention. Quand nous enseignons, quand nous prêchons, faisons attention pour que nous puissions nous-mêmes pratiquer ce que nous prêchons. Sinon, nous ressemblons à ces juifs, à ces religieux. Troisième vérité, c'est que notre comportement peut entraîner des conséquences négatives. Surtout lorsqu'on se comporte mal, comme ce juif dont Paul parle ici. Premièrement, notre comportement peut déshonorer Dieu. Verset 23, toi qui t'es fait une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Lorsque nous menons une vie d'immoralité, une vie d'homosexualité, de lesbianisme, une vie d'ivrognerie, une vie de vol, une vie de mensonge, une vie où nous ne pouvons pas pardonner aux autres et nous nous mettons à prêcher aux autres, notre comportement déshonore Dieu. C'est pourquoi Dieu pouvait dire dans le livre d'Ésaïe, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Quand Dieu regarde notre état, L'autre, quand Dieu regarde l'état de l'église aujourd'hui, avec tous ses problèmes d'argent, de conflits, ces comportements déshonorent Dieu. Ça, c'est première conséquence. Deuxième conséquence, notre comportement entraîne même les païens à blasphémer contre le nom de notre Dieu. Vous voyez, il dit au verset 24, « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. » Regardez aujourd'hui, dans les milieux païens, il y a des gens qui commencent à déshonorer. Quand tu te présentes comme pasteur, les gens disent, voilà, les gens là, les voleurs, les farceurs là, à cause de beaucoup des abus de ceux qui se disent pasteurs qui ne sont pas. En réalité, dans la compréhension du ministère des pasteurs, ce n'est pas tout le monde qui est faux. Il y a des vrais, il y a des vrais apôtres, il y a des vrais prophètes, mais tout comme il y en a des faux. Alors, tellement qu'il y a des faux qui se multiplient maintenant, ça fait qu'il y a beaucoup de gens, quand même, on donne une bonne prophétie, ils disent, ah, ça, ce sont des farceurs, ce sont des voleurs. Parce qu'il y a des abus. Lorsque toi qui es chrétien, tu es chrétienne, les parents là qui ne connaissent pas Jésus, ils te voient toi sortir jusqu'à 1h du matin avec des maris d'autrui. Est-ce que tu peux encore leur prêcher l'évangile pour dire « venez à Jésus » Ils vont te dire que mais, tu fais les mêmes choses que nous. Ils vont commencer à blasphémer contre le nom de Dieu. Ils ont dit « on se connaît, ils font les mêmes choses ». Regardez beaucoup de bêtises qui se font aujourd'hui. Lorsque, par exemple, nous les chrétiens, nous allons devant les tribunaux, on est incapable de pouvoir gérer nos affaires entre nous et puis vous allez au tribunal. Lorsque, par exemple, au jour le jour, ce sont des hommes de Dieu, des chrétiens qui s'en vont devant le juge pour divorcer. À cause de cela, le juge même dit, mais attends, c'est vous-même qui devez nous instruire. Vous êtes des pasteurs, vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes des diacres, vous êtes des responsables, des évangélistes et vous venez vers nous. Vous voyez, à cause de tout ça, le nom de Dieu est blasphémé. Arrêtons de faire blasphémer le nom de Dieu par notre comportement, s'il vous plaît. Implorons la grâce de Dieu pour que notre vie change. Implorons la grâce divine pour que tout ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui s'arrête et que nous puissions mener une vie qui honore le Seigneur, une vie qui glorifie le Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Je voudrais que nous puissions le glorifier. Chantons ce cantique. Ce matin, contemple-les. Il veut remplir ta vie de ta gloire. Il veut remplir ta maison de sa gloire. Que sa gloire remplisse ta vie maintenant. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau. Alléluia. Élevons ensemble nos voix. Bénissons le nom de Dieu. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu fidèle. Sois béni, Jésus, toi, la lumière du monde, toi qui nous éclaires jour après jour. Nous bénissons ton nom, ô notre Dieu, toi qui dissipes les ténèbres de nos vies. Nous t'élevons et nous te glorifions, toi la parole faite chair. Merci, Seigneur, de nous aider à comprendre encore davantage ta parole et de la mettre en pratique. Merci, toi qui nous illumines. Merci de continuer à illuminer notre connaissance, Seigneur, afin que nous puissions encore te servir avec joie et avec vie. Nous bénissons ton nom, ô notre Seigneur, notre Dieu, toi qui as mis en chacun de nous une conscience afin que nous puissions nous éloigner du mal et pratiquer le bien. Nous bénissons ton nom, notre Seigneur, notre Dieu, toi devant qui toute chose est à nu et à découvert. Oui, rien n'est caché devant toi, devant qui nous devons rendre compte. Nous bénissons ton nom, notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu omniscient, tu es le Dieu omnipotent. Béni sois-tu, notre Père, toi qui connais toutes choses, toi qui es le Tout-Puissant. Oui, rien ne peut te surplanter. Nous t'élevons en ce moment et nous te bénissons pour ta grandeur et ta toute-puissance. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission OSB, Opération sur la brèche. Notre texte du jour, c'est Romains chapitre 2, versets 17 à 24. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous allons prier Dieu pour que tous ceux qui sont dans nos églises, qui sont des religieux, qui ressemblent aux juifs, qui connaissent la parole, qui participent à tous les programmes, les gens même qui enseignent, les gens qui prêchent, qui se disent pasteurs, mais qui ne vivent pas ce qu'ils prêchent, Nous allons implorer la grâce divine pour que ces personnes puissent changer de vie, pour que ces personnes puissent se convertir, pour que ces personnes soient délivrées. Il y a quelques-uns qui sont même possédés, envoûtés par les puissances sataniques. Qu'ils soient délivrés et qu'ils changent de vie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Tendre Père, ce matin nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom Père éternel. Nous exprimons notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Toi qui inondes notre cœur chaque matin avec ta joie, toi qui inondes notre cœur chaque matin avec ton amour, nous nous tournons vers toi pour exprimer sincèrement notre gratitude. Ce matin, ô Père éternel, nous prions pour tous ceux qui t'ont reçu, pour tous ceux qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, ceux qui te servent, mais qui ne manifestent pas le fruit de l'Esprit. Nous prions, Père, dans le nom de Jésus-Christ, et nous déclarons que tout obstacle, tout blocage à l'expression, à la manifestation de ton amour dans leur vie, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que ceux qui portent des fruits qui ne sont pas conformes à ta volonté, qui ne sont pas conformes à ton témoignage, nous prions, Père, et nous demandons que ta grâce se manifeste dans leur vie et que ces œuvres de la chair soient ôtées de leur vie au nom de Jésus-Christ. Nous prions, ô Père, pour la transformation de leur vie. Nous prions pour un nouveau témoignage et nous demandons, Père éternel, que ton Esprit Saint intervienne dans leur vie et les détourne de ces mauvaises voies, les détourne également au Père éternel des mauvaises fréquentations, afin qu'ils puissent être toujours un témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Que toute forme d'endurcissement soit ôtée de leur vie à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Père pour toutes choses. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que notre comportement peut déshonorer Dieu. Il dit, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Bien-aimés, nous allons implorer la miséricorde divine. Nous allons nous repentir. Regarde tout ce qui se passe au niveau de ton église, au niveau dans les milieux chrétiens, des palabres qu'il y a, des problèmes d'argent, les cas de divorce, les cas de malversation, les cas d'impudicité. Implorons le Seigneur, parce que toutes ces choses font qu'on ne nous respecte plus. On ne respecte plus même les hommes de Dieu dans certains milieux. Prions le Seigneur, implorons la grâce divine au nom de Jésus. Chassons cet esprit de bassesse loin de l'église, d'immoralité, d'idolâtrie au nom de Jésus. Père, ce matin, nous venons à toi. Toi qui es le chef de l'Église, merci parce que du haut de ton trône, tu vois tout ce qui se passe des serviteurs, des leaders, des soi-disant prophètes et pasteurs établis sur des églises qui abusent de leur autorité et qui marchent dans l'ivrognerie, qui marchent de façon contraire à ta volonté, qui, oh Dieu, se sont détournés de la vérité et qui enseignent même des hérésies, de l'apostasie et qui n'aiment pas qu'on s'ingère dans leurs affaires, dans leur vie professionnels, dans leur vie ministérielle, dans leur vie individuelle. Car, Seigneur, ce sont des vies qui ne t'honorent pas. Ce matin, je prie, Père, que tu les amènes à la repentance, tu les amènes, Seigneur, à renoncer à soi, que l'orgueil donc soit brisé et que l'humilité les atteigne pour que, Père, tes enfants se reconnaissent comme des enfants, oui, des ténèbres et reviennent à la lumière. Bénis ton Église, fortifie ton Église. Oh Dieu! Viens au secours de ton Église par la puissance de ton esprit, que ton feu consume les œuvres des ténèbres qui cherchent à contrôler totalement ton Église, qui cherchent à contrôler tes serviteurs. Père, envoie tes anges pour que les œuvres des ténèbres, pour que, Seigneur, la puissance de l'ennemi soit vaincue, Papa. Merci de restaurer l'image de ton Église, de tes serviteurs. Merci d'accorder la foi à ceux qui te craignent, afin que la gloire de Dieu apparaisse, le feu, la grâce, la bénédiction de l'Éternel soit vue au milieu de tes enfants et que l'Église prospère à tous égards dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions pour que Dieu réellement continue à susciter des vrais serviteurs de Dieu, ceux-là qui enseignent la parole de Dieu, ceux-là qui vivent la parole de Dieu, ceux-là qui sont des modèles, que Dieu les suscite encore davantage. Oh, afin que réellement l'Église puisse connaître un rayonnement au nom de Jésus. Que Dieu puisse révéler les serviteurs qui les servent dans la vérité. Parce qu'il a dit, vous verrez la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. T'acclamer ce matin parce que ta parole dit vrai, elle est la vérité, puisque tu nous dis dans le psaume numéro 11, quand les fondements sont renversés, que feront les justes? Nous voulons voir au milieu de ton peuple des serviteurs et des servantes que tu suscites qui ont la crainte de Dieu, parce que les fondements sont renversés dans nos familles, sont renversés dans nos églises, dans nos ministères, sont renversés dans notre société. Nous voulons qu'il y ait des serviteurs, des hommes qui aiment ta parole, des hommes qui vivent dans la sanctification, des hommes qui prient, des hommes qui t'aiment de tout leur cœur, âme, esprit et toute leur force, et qui aiment leur prochain comme eux-mêmes. Nous voulons voir ces hommes, nous voulons voir ces hommes résister au diable, résister au péché, aimer Dieu, aimer notre Dieu, ta parole. Nous voulons voir ces hommes qui te craignent. C'est notre vœu ce matin, c'est notre désir ce matin. Partout dans ce pays, dans tous les pays d'Afrique, dans le monde entier, qu'ils soient suscités, qu'ils se lèvent, notre Dieu, car les fondements sont renversés. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était OSB. Nous rappelons que les dimanches qui arrivent, nous aurons notre rencontre bonheur conjugal. Nous aurons deux services à cause de la salle qui est petite. Le premier service commence à 16h et s'arrête à 18h. Le deuxième commencera à 18h jusqu'à 20h. Le thème que nous allons exploiter, c'est quitter la cendre pour passer, pour porter les diadèmes. La cendre, l'humiliation. Tu as été longtemps humilié en tant que célibataire. Les membres de ta famille t'ont critiqué. Maintenant, cette année, le Seigneur veut que tu portes ta robe de mariée, que tu portes ton habit de mariée, un diadème. Nous allons enseigner, nous allons prier de manière spéciale, de manière prophétique. Nous allons prophétiser ton mariage. Ne ratez pas, l'entrée est libre au nom de Jésus. Au revoir et à demain. Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.